Premier temps d'une nouvelle et dernière série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à une histoire du sable. Oui, du sable, celui qui coule dans nos doigts, mais qui permet aussi de construire par exemple en béton. Demain, notre sable sera celui du Sahara, mercredi, celui dont on fait le verre, et jeudi, notre histoire du béton nous plongera, pour le documentaire de Franck Toraval et Anne Fleury, dans la fin du 19e siècle et l'invention de ce nouveau matériau. Et aujourd'hui, c'est du sable des plages dont il sera question avec Elsa Devienne, maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, dont la thèse, soutenue en 2014, s'intitulait « La ruée vers le sable ». Cette thèse, à paraître au début de l'année 2020 aux éditions de la Sorbonne, est une histoire environnementale des plages de Los Angeles au XXe siècle. Elsa Devienne y croise histoire culturelle, histoire sociale, histoire économique, histoire des techniques et histoire environnementale. Et c'est tout à fait passionnant. Voilà, on se transporte en dehors de ce studio de l'Agora, de la Maison de la Radio, avec ces bruits de vagues lointaines et ces pas sur le sable. Avec vous, Elsa Devienne, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin. Et merci d'être notre invité d'ouverture de cette série sur le sable pour votre travail sur les plages de Los Angeles. Vous êtes venu déjà plusieurs fois parler de ce travail ici même. On l'a souvent évoqué puisque votre thèse a été soutenue en 2014, mais elle ne paraîtra que au printemps 2020. Aux éditions de la Sorbonne, et c'est une thèse, je l'ai dit, tout à fait étonnante parce qu'elle croise diverses manières de regarder cet espace géographique qu'est une plage. Oui, c'est vrai que j'ai finalement voulu proposer le pendant vingtiémiste à l'histoire des plages qu'avait écrite Alain Corbin dans les années 80. Le désir de rivage. Voilà, le territoire du vide, l'Occident et le désir du rivage. Or, Alain Corbin finissait cet ouvrage à la fin du 1840, avec ce qu'il appelle l'invention de la plage, c'est-à-dire l'invention de cette idée que se rendre sur la plage, c'est un plaisir, c'est une jouissance, alors que jusqu'à présent, jusque pendant très longtemps, la plage, c'est plutôt le lieu de la grève morne, isolée et lointaine et surtout effrayante. Des naufrageurs en particulier, pas simplement. Voilà, du déluge, etc. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe finalement sur la plage au XXe siècle. D'une part, évidemment, elle n'est pas fixée une bonne fois pour toutes. C'est un espace qui se transforme avec les attentes, les exigences de la société. Mais c'est aussi ce que je regrettais un petit peu dans le travail d'Alain Corbin, c'était que c'était surtout une histoire intellectuelle. Et on n'allait pas finalement se plonger dans ce qui fait la plage matériellement, son sable par exemple. Alors il faut reconnaître à Alain Corbin d'avoir eu cette intuition géniale, comme il l'a eu d'ailleurs pour beaucoup d'autres types de travaux d'histoire culturelle, que la plage était un objet pour l'historien ou pour l'historienne, et que vous avez poursuivi ce travail en prenant appui sur lui, et en particulier sur cette question de la non-fixité de cet espace géographique qu'est la plage. C'est-à-dire que vous avez pris cet exemple des plages de Los Angeles à partir de la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e siècle, et que ces plages de Los Angeles, eh bien, elles ne sont pas les mêmes et elles sont en constant bouleversement. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai envie de... Souvent, je dis ça de manière un petit peu... j'exagère très légèrement, mais j'ai envie de dire que les plages de Los Angeles sont tout aussi naturelles que les plages de Paris-Plage, qui apparaissent chaque année sur les quais de la Seine. C'est-à-dire qu'elles sont très largement le produit des constructions, des rechargements artificiels en sable qui ont été faites dans l'après-guerre. Pour vous donner un chiffre assez précis, elles sont au début, fin 19e, les plages de Los Angeles font entre 30 et 40 mètres de large. Aujourd'hui, elles font plus de 150 mètres. On a des parkings dessus, des autoroutes dessus, des maisons. Et donc, c'est ce qui m'a intriguée. Comment est-ce que ça a pu arriver et quels ont été les coûts de ces transformations? Alors, cette artificialité de paysage a priori naturel est au cœur de votre propre travail. Si on part du tout début, c'est-à-dire si on part de cette ruée vers l'Ouest, donc qui est la ruée bien connue vers l'or au milieu du 19e siècle, vers ces espaces californiens, par tous ces gens qui viennent y chercher fortune. Qu'est-ce qu'il y a sur cet espace géographique? Qu'est-ce qu'il y a sur cet espace qui est une plage du côté de Los Angeles, avant même les usages récréatifs qu'on peut y trouver? vous nous dites que, en fait, les gens, ils créent Los Angeles non pas sur le bord de la mer, mais à 25 km sur le bord de la rivière, déjà. Oui, tout à fait. Ça peut sembler étrange aujourd'hui, puisque Los Angeles, on y associe, évidemment, on pense à Alerte à Malibu, hein, pour nous, Français, qui avons vu Pamela Anderson se promener sur la plage. Mais en réalité, Los Angeles, c'est une ville continentale qui effectivement, est créée sur son site et celui de la Los Angeles River. Ce n'est que plus tard, au XXe siècle, quand les élites locales font le choix d'une ville décentralisée et donc se détache finalement de ce centre qui est problématique puisqu'il est trop petit avec les tramways, les voitures, on n'arrive pas à y circuler. Donc on prend cette décision vraiment, c'est planifié, hein, c'est pas du tout, Los Angeles n'est pas du tout une erreur de l'urbanisme. On planifie cet étalement urbain. Cette horizontalité, cette densité basse, et on se projette en particulier vers la mer, parce qu'au même moment, on a effectivement ce mouvement culturel où les élites souhaitent avoir une sorte de retour à la nature, avoir ce privilège de vivre près de la mer tout en prenant sa voiture ou le tramway et se rendre au bureau pendant la journée en ville. Alors vous nous expliquez fort bien comment au tout début donc du XXe siècle le complexe, pourrait-on dire, qui fait d'un côté la ville de Los Angeles et de l'autre côté le quartier d'Hollywood va servir justement à la promotion de ces nouvelles plages vues de manière nouvelle par ces habitants de Los Angeles entre 1910 et 1920. Le cinéma y est naissant. On va donc utiliser ces espaces que sont les grandes plages de Los Angeles pour pouvoir y faire des petits films muets, en particulier des films de poursuite. Et à partir de ce moment-là, cette plage va exister dans un imaginaire qui est un imaginaire du cinéma, Elsa de Vienne. Oui, tout à fait. Hollywood arrive au début du XXe siècle en Californie, de New York, et immédiatement, les réalisateurs, les acteurs, les auteurs de scripts sont attirés comme par un aimant par la plage où ils voient un espace, alors à l'époque on tourne toujours en extérieur, donc déjà c'est un espace très large où c'est l'espace idéal pour tourner une course-poursuite, par exemple, qui est un élément essentiel du California slapstick, qui est une forme de comédie à l'époque. Et donc, par exemple, un réalisateur comme Max Sennett va y lancer ses fameuses Bathing Beauties, qui sont des jeunes femmes en maillot de bain noir, avec des fioritures qu'on ne verrait évidemment jamais en réalité, mais ce qui vont être un énorme succès à cette époque dans ces films muets. Parce que, évidemment, ça n'est pas que l'espace supposé naturel de ces plages qui compte, c'est l'inscription des corps des humains et des hommes et des femmes dans cet espace géographique, parce que évidemment, ce qu'on veut voir, c'est se mouvoir des hommes et des femmes sur ces grandes plages de Californie, et c'est ce que propose par exemple Max Sennett avec ses Bathing Beauties. Oui, voilà, et puis surtout Max Sennett, il profite du fait que sur les plages, effectivement, les convenances sociales habituelles, les prescriptions vestimentaires sont d'une certaine manière temporairement suspendu, et donc on peut montrer une femme, par exemple on peut montrer les jambes d'une femme, on peut montrer le haut des cuisses d'une femme, ses épaules, à une époque où sur la plage de fait, la plage réelle, on ne le ferait pas, mais sur la plage fictionnelle on peut se permettre encore plus de liberté que sur la plage. Donc voilà, et en créant ce corps de plage qui n'est pas le même que le corps de plage des années 60 et 70, évidemment, tel qu'il est ensuite proposé par le cinéma hollywoodien et par les séries télévisées, en créant ce corps de plage, eh bien, on transforme aussi l'idée que la femme puisse être à la fois libre à courir sur la plage, à se montrer, à être salariée, et on rompt, dites-vous, Elsa de Vienne, avec une vision victorienne de la femme, où la question de la pruderie, par exemple, est quelque chose d'essentiel. Oui, tout à fait. C'est un phénomène qui est contemporain à l'essor des sports, par exemple, pour les femmes. On pense évidemment, par exemple, à la nageuse australienne Annette Kellerman, qui se fait arrêter sur une plage à côté de Boston en 1907 parce qu'elle porte ce fameux maillot de bain qui rompt avec avec cette, ce qu'on portait avant, c'est-à-dire ces robes bouffantes, les collants, la charlotte sur les cheveux, etc. Et donc c'est ce mouvement, donc les bathing beauties de Max Sennett, elles participent de ce même mouvement de dénudement des femmes et d'accès plus libre à leur corporealité, à leur sportivité. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites que ce moment des années 1910-1920 est un moment de transformation, puisque auparavant, on se rendait en Californie pour le bon air, on y allait quand on était malade, on l'avait même baptisé, cette Californie, la Mecque des malades, et Los Angeles en particulier, et que là, on va au contraire montrer des corps en bonne santé, en jeunesse, qui courent sur la plage et qui font des jeux sportifs sur cette même plage, et donc on est en train de transformer radicalement l'image que les Américains se faisaient de ce qu'étaient les plages de Californie et ces espaces californiens. Tout à fait. On allait au début, fin 19e siècle, on va à Los Angeles quand on est une élite de la côte Est parce qu'on a des problèmes d'insuffisance respiratoire, parce qu'on a eu la tuberculose et donc on y va pour le bon air sec, cet air soi-disant méditerranéen. On vend la Californie comme la Méditerranée américaine. La Riviera, tout à fait. Ouais. Et donc cette tradition, on va dire médicale, de se rendre en Californie, il y a un basculement qui se passe au début du XXe siècle. Effectivement, on décide de mettre en tourisme la Californie, plus seulement pour les malades, mais pour tout le monde, pour les résidents aisés, puis pour les touristes aisés, puis on essaie aussi d'attirer des résidents. Et donc, pour changer cette représentation, par exemple, sur les plages de Los Angeles, on demande justement à ce que les invalides, les invalids, ne viennent pas, ne soient pas là, que ce soit clairement pour des touristes en bonne santé. Pour faire, Et touristes de la classe moyenne blanche, ce serait mieux que s'ils étaient chicanos, s'ils étaient mexicains, s'ils étaient chinois, japonais ou autres. Parce que j'ai découvert en vous lisant que du côté de Santa Monica, il y avait un petit village de pêcheurs japonais qui s'était installé. Ils sont 200 ou 300 en 1899. Donc on est déjà aussi sur cet espace géographique qui est tourné vers l'Asie, avec beaucoup de Chinois qui sont arrivés aussi au 19e siècle. Évidemment, ces gens-là, on ne les veut pas trop sur ces plages du tout début du XXe siècle, elles en deviennent. Non, effectivement, mais cet exemple de village japonais, c'est un de pêcheurs. C'est un exemple assez rare, finalement, d'utilisation de la plage pour des raisons de subsistance, hein, puisque c'est des espaces relativement délaissés, isolés des lieux de pouvoir à l'époque. Et donc, ces villages, ils existent jusqu'à ce que, justement, on prenne conscience de la valeur et de l'utilisation qu'on peut en faire pour le loisir. Et alors, évidemment, les premières vedettes d'Hollywood, les Tyrone Power ou les autres, vont trouver qu'il est bien d'être à Hollywood pour tourner et d'avoir sa propre villa sur les grandes plages de Malibu ou de Santa Monica. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y aura une autre image qui va se mettre en place, les beach parties, par exemple, qui s'installent à partir des années 1900-1910. On va manger sur la plage, on va faire la fête sur la plage. Tout cela, ça participe aussi d'un renversement de l'image que l'on se fait des plages. Voilà, et ce qui est intéressant à Los Angeles, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de préoccupation hygiéniste ou de préoccupation militaire, on va dire, de préparation de la nation sur ces plages. Immédiatement, elles sont finalement dénuées de toute cette... alors que, en Europe, on va sur la plage au XVIIIe siècle dans une idée de pour sa santé, hein, sur prescription médicale presque. À Los Angeles, on part vraiment sur presque une table rase. Et tout de suite, ces espaces vont être investis de manière, de manière ludique. Ludique, avec le caractère récréatif qu'on connaît à cet endroit. On écoute tout de suite un compositeur français, Federico Mompou, Jeu sur la plage. Ça date justement des années 1915-1918 et on est plus proche d'une vision française des plages de Normandie ou des plages de la Riviera que cette vision que vous nous décrivez pour les plages de Los Angeles. Thank you. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Jeux sur la plage, un extrait des scènes d'enfants, donc composé entre 1915 et 1918, par Federico Mampao, qui n'est pas français, comme je l'ai dit tout à l'heure, par erreur, mais qui est catalan, et il était interprété ici par Esther Pineda au piano. Nous parlons donc de ces plages de Californie avec vous, Elsa Devienne, et tout de même cette ruée vers le sable que vous décrivez dans votre travail de thèse. On va conduire, évidemment, quand on parle de ruée, on imagine qu'il y a de l'argent. Beaucoup de gens à s'y intéresser, à ces plages nouvellement intéressantes pour la plupart d'entre eux. Il va y avoir des investisseurs, il va y avoir des volontés de faire beaucoup d'argent avec cet endroit-là. Comment ça va se passer, justement, entre l'État de Californie, le comté de Los Angeles, la ville de Los Angeles, les municipalités de ces endroits qui ne sont pas encore totalement tous reliés à la grande mégalopole, et les investisseurs privés, par exemple, Elsa Devienne? Bien, c'est assez complexe, effectivement, puisque aux États-Unis, on peut privatiser la partie sèche de la plage, c'est-à-dire la partie qui n'est jamais recouverte par les marées. Et donc, une grande partie de ces plages de Los Angeles au début du siècle sont possédées par des propriétaires privés qui, parfois, n'y font rien. Mais bon, parfois, effectivement, ils font construire leur maison, etc. En plus de cela, la baie de Santa Monica, sur laquelle ça s'allonge la ville de Los Angeles, est divisée en 7 catégories administratives, entre la ville de Los Angeles, mais aussi les villes de Santa Monica, Venice, qui à l'époque est une municipalité. Le comté a également ses parts de plage, etc. Donc, entre tous ces gens-là, c'est un enchevêtrement administratif. Voilà, c'est ça. Et alors, le problème, c'est qu'évidemment, la nature ne connaît pas de frontières administratives. Et donc, le sable, par exemple, on parlait beaucoup cette semaine, c'est un élément mouvant qui se fait fi de ces frontières. Ouais, donc, il part d'un endroit pour aller s'installer dans un autre endroit. Et en quittant une plage, eh bien, il fait le désespoir des gens qui vivent au bord de cette même plage et des municipalités. Et de l'autre côté, il ramène beaucoup de sable. Ce sable, il va arriver dans un autre endroit. Mmh. Et cela, évidemment, ça n'est pas prévisible au départ. C'est-à-dire que ça aurait pu être prévisible si les ingénieurs s'y étaient un petit peu plus intéressés, hein, ou du moins, ils sont tellement dans leur fixation à l'époque, ils veulent aménager les plages pour le tourisme, pour un tourisme assez huppé. Donc on pense par exemple au port de Plaisance. Ils veulent vraiment reconstruire là. Alors ils ont fait Venise, vous savez, la Venise avec ses fausses gondoles et ses faux canaux. Eh bien, on veut vraiment reconstruire, recréer la Riviera sur Los Angeles. Et donc on veut avoir des frégates, des régates, pardon. Des ports de plaisance. Or, on les construit un peu n'importe comment, il faut dire ce qui est. Les ingénieurs ne se prennent pas, ont pas des connaissances océanographiques à l'époque. Les scientifiques savent très bien que les plages ne sont pas des espaces fixes, mais qu'elles sont rechargées saisonnièrement par des systèmes de courants marins, donc qui rechargent généralement l'été les plages qui ont été amaigries par les tempêtes et par les vents de l'hiver. Et donc ils ignorent ces données scientifiques, ils construisent des brise-lames qui viennent interrompre les courants marins et qui finalement emprisonnent le sable dans un espace confiné, généralement le port de Plaisance. Et donc les plages au sud, qui peuvent être possédées par une municipalité différente, sont elles fortement érodées, au point vraiment que des maisons tombent dans l'eau. Et oui, alors évidemment, on connaît cela maintenant avec les problèmes liés au réchauffement climatique et au changement de la montée des eaux en particulier. Mais on imagine que si on a investi et il y a des investisseurs, eh bien, on n'est pas très heureux de ce qui est en train de se passer. Donc, toutes ces années 20, toutes ces années 30 sont marquées du côté de Los Angeles. Elsa Devienne, c'est ce que vous racontez dans votre travail de thèse, sont marquées par ces débats sur qui doit gérer ce genre d'inconvénients. Est-ce que ce sont les propriétaires privés? Est-ce que ce sont des responsabilités publiques qui sont en jeu? D'autant que, à ce moment-là, le public possède très peu de cette surface de plage autour de Los Angeles. Oui, d'autant que donc cette ruée vers le sable, elle se traduit par une multiplication des clubs de plage privés dans les années 20, où se presse toute la bonne société. Ouais, toute la bonne société, puis les gens de Hollywood, etc. Et donc ils viennent donc sur ces plages. Il y a donc cette concurrence d'argent. Mm-hmm. Et qui va-t-on À qui va-t-on donner la responsabilité de changer la donne d'une certaine façon et de faire en sorte que, eh bien, au bout du compte, on ne soit pas lésé financièrement par la disparition du sable, par exemple, dans cette baie de Santa Monica? Eh bien, ce qui va se créer, c'est une sorte de ce que j'appelle un lobby des plages. C'est-à-dire qu'à la base, ça va venir des propriétaires privés, des ingénieurs, des scientifiques, mais aussi des administrateurs locaux. Par exemple, les personnes en charge des départements du loisir et des plages de Los Angeles qui vont commencer à former une sorte de nébuleuse. Et puis, puisqu'ils se rendent compte qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. On a des plages entières qui valent des millions de dollars qui disparaissent en quelques mois sous leurs yeux. C'est le cas à Santa Barbara, par exemple. La plage de Santa Barbara disparaît complètement en quelques mois en 1936. Alors, Santa Barbara, c'est une station balnéaire qui est fondée sur sa plage. Hein, et donc, là, soudain, c'est vraiment, on en entend parler dans tous les journaux de Californie à ce moment-là. Et donc, ce lobby des plages commence à se former en associations qui vont aller faire du lobbying à Sacramento auprès de l'État de Californie en demandant qu'il y ait des recherches sur l'érosion et qu'il y ait une prise en compte régionale et pas seulement fragmentaire du fonctionnement des marées, des courants sédimentaires, etc. Et ce phénomène, il se passe à Los Angeles, mais il se passe à l'échelle nationale également. Il y a une grande association des plages et des littoraux qui est fondée en 1926 à l'échelle nationale. Et donc, ça essaime évidemment dans tout le pays, mais c'est particulièrement en Californie, dans les années 1930, en Californie du Sud, qu'on se rend compte que la plage doit être un objet. Voilà. Qu'elle est comme une infrastructure, si vous voulez, comme n'importe quelle autre infrastructure. Elle doit être préservée. Alors, c'est aussi un mouvement qui est contemporain avec l'essor des premiers mouvements environnementalistes. Mm-hmm. Même si à l'époque, on ne parle pas d'environnement, on parle plutôt de préservation ou de conservation de la nature et des ressources. On crée donc en 1936 la California Beaches Association, la CBA, qui va donc se poser la question, vous l'avez évoqué, de l'érosion, mais aussi de la pollution de ces plages, puisque par la modernisation de la Californie, on a pu y installer des puits de pétrole, par exemple, qu'on a trouvé à certains endroits du côté de Venice Beach ou ailleurs, et on va enlever systématiquement tous ces endroits qui sont disgracieux. On va essayer de rendre les plages naturelles ou le plus naturelles possible, tout en sachant qu'elles sont totalement artificielles. Et puis il y a aussi cette question de qui va fréquenter ces plages, qui est la bonne personne pour pouvoir venir sur ces plages, qui a droit à la plage dans les années 20 et dans les années 30 en Californie, elles deviennent. Alors, pour ce qui est de la partie publique des plages, elles sont en théorie ouvertes à tous, à toutes les classes sociales et en théorie également à toutes les populations ethno-raciales de la ville de Los Angeles, qui à l'époque est très très diverse à l'échelle de la nation. Los Angeles, au début du siècle, à peu près 15% de la population n'est pas blanche, si l'on y compte les Mexicains. Or, en fait, de fait, les populations noires sont très largement exclues de la plupart des plages de Los Angeles. Elles ont tendance à se confiner à deux petits espaces à Los Angeles, notamment une plage qui s'appelle Linkwell, qui est surnommée Linkwell, et qui est donc un espace où les Noirs, en théorie, ont accès à tous les espaces publics. En Californie, on n'a pas de ségrégation par la loi, comme dans le sud des États-Unis, où il y a ce qu'on appelle le système Jim Crow. En Californie, ils ont accès à tout l'espace en théorie, mais en pratique, ils vont subir soit ils peuvent subir des jets de pierre, ils peuvent subir des attaques, parfois même par les policiers eux-mêmes, ou alors simplement des insultes verbales. Donc c'est un espace, cette petite plage de Linkwell, qui est voilà un espace refuge pour la population noire de Los Angeles. Et il y en a une autre qui s'appelle et qui est une plage privée à Manhattan Beach, qui s'appelle Bruce's Beach, qui ne va pas durer très longtemps, qui a été montée par une Africaine-Américaine en l'occurrence. Et donc on voit bien qu'il est difficile si on est noir en Californie d'avoir accès à des espaces qui pourtant légitimement vous sont autorisés. Et donc on va voir aussi les réglementations se mettre en place. Vous expliquez fort bien comment, quand on veut faire en sorte que n'importe qui, supposément, ne vienne pas sur cette plage, eh bien, on va trouver des liaisons avec le chien que l'on promène en laisse ou sans laisse, avec la question qu'on boit de l'alcool ou pas de l'alcool sur cette plage, qu'on va peut-être vouloir faire un barbecue ou un feu de plage, aura-t-on le droit de le faire, qu'on peut jouer avec des balles dures, etc. Et tout un tas de réglementations dans ces années 20 et 30 aux États-Unis vont se mettre en place en Californie pour restreindre l'accès aux plages. Tout à fait. Et c'est lié en fait au fait que les plages, qui donc comme je racontais au début du XXe siècle, sont assez isolées, sont des espaces de villégiature. Eh bien, c'est lié au fait que soudain ces plages ne deviennent plus simplement des lieux saisonniers, mais des lieux de résidence où donc des cadres, bien sûr, eux vont s'installer avec leur famille et puis prennent le tramway, la voiture, comme je disais, pour se rendre à leur travail. Et ces cadres, eh bien, ils vont devenir une partie de cette élite très investie dans la moralité, dans la bonne moralité de leur vie. Et donc, ils vont s'intéresser à ce qui se passe sur la plage. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir tout un arsenal législatif qui va apparaître et qui va réguler les comportements sur la plage de la même manière, si vous voulez, que les comportements dans les rues sont légiférés. Donc, si au début du siècle, on avait le droit de promener son chien, de boire de l'alcool, etc., eh bien, dès la fin des années 30, on ne peut plus, parce que, justement, on ne veut plus avoir ce riff-raff, si vous voulez, sur le sable. Oui, et puis, il faut reconnaître aussi que l'exemple de Coney Island, qui est de l'autre côté, sur la côte est, à côté de New York, avec 100 000 visiteurs chaque dimanche, qui est un modèle aussi de parc d'attractions, de lieux populaires, puisqu'on peut y aller, on peut s'y rendre en train très proche de New York, du côté de Long Beach, eh bien, a été surnommé au bout d'un certain temps Sodom by the Sea. Donc, au bout du compte, on a vu aussi le caractère populaire, avec l'idée qu'il y a de la mauvaise vie qui accompagne ce caractère populaire. Et on ne veut pas de la même chose en Californie à ce moment-là. Oui, voilà. Et en fait, ça dépend vraiment, comme je disais, la baie de Santa Monica est divisée en 7 entités administratives. Donc, ça dépend des choix qui vont être faits par ces municipalités. Et Santa Monica, par exemple, se veut la Riviera américaine. Et donc, ils ne veulent certainement pas de jeux d'argent ou d'espace de rencontres homosexuelles, par exemple, sur leur plage. Et donc, c'est là où l'arsenal législatif dont je parlais va être particulièrement rigoureux, va être particulièrement important. Ailleurs, on va avoir un autre modèle qui est celui de Coney Island. Par exemple, c'est le cas à Venice Beach, où on a un pier, donc c'est jeté, où on construit des parcs d'attractions, où là, effectivement, c'est vraiment un lieu populaire, où les classes ouvrières sont les bienvenues le week-end, en fin de semaine, et en fin de journée. Alors, il y a eu des accrochages ailleurs qu'à Los Angeles, d'ailleurs, entre noir et blanc, et une partie des émeutes du côté de Chicago en 1919 sont dues à des accrochages entre blancs qui ne voulaient pas que des noirs arrivent sur leur espace de plage et noirs. Et eh bien, on a choisi de vous passer Jack DeJohnette, Malibu Reggae. Jack DeJohnette était natif, lui, de Chicago, justement. Thank you. 1976, Jack DeJohnette et son groupe, Jack DeJohnette, le natif de Chicago, chantait ou mettait en avant le Malibu reggae. Nous parlons avec vous, Elsa Devienne, de cette question des plages de Los Angeles qui est au cœur de votre travail de thèse. On a évoqué toutes les questions administratives, les questions des ingénieurs, de ce lobby des plages qui se met en place dans les années 30 pour pouvoir tenter de sauver ces plages qui étaient menacées en particulier par l'érosion mais également par la pollution. Il faut dire aussi combien la culture du corps qui se met en place à ce moment-là en Californie est très importante pour comprendre la suite. Par exemple, la naissance du surf, son développement dans les années 1907, un surfeur métis écosso-hawaïen qui s'appelle George Freese, qui fait des premières démonstrations de surf à Redondo Beach, donc à Los Angeles, et qui va voir se développer jusqu'à environ 1000 surfeurs en 1940 sur cette même côte californienne, redessinant la planche de surf, la faisant plus longue, la faisant plus légère, etc. Et donc, inventant une nouvelle manière de faire du surf à partir de cet exemple lointain de Hawaï. Oui, on dit effectivement que l'invention du surf moderne, c'est au début du XXe siècle en Californie, et que cette pratique traditionnelle des Hawaïens est réinventée, en tout cas réinvestie. Bon, cette histoire est un petit peu plus complexe, et d'ailleurs j'invite les auditeurs et les auditrices à consulter l'histoire du surf de Jérémy Lemarié, qui est sorti l'année dernière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le surf ne sème pas seulement en Californie. Tous ces jeunes hommes, par exemple George Freese, mais il n'est pas le seul. Il y a par exemple Duke Kahanamoku, qui est un Hawaïen, qui lui va également aussi, qui est aussi un grand nageur. Hein, ils font le tour du monde. Voilà, ils font le tour du monde. Il me semble que Duke est même allé à Paris faire une démonstration de surf. En tous les cas, ils vont en Australie, ils vont sur la côte Est, Atlantic City, ils vont en Californie, mais cette greffe ne prend aussi bien qu'en Californie du Sud, parce qu'elle se marie parfaitement bien avec ce rapport très tôt hédoniste à la plage, ce rapport de loisirs dont on parlait avec les beach parties. Alors qu'en Australie, au même moment, les protestants ont un peu mainmise sur les rivages, ils interdisent de se baigner en maillot de bain, ils interdisent le surf, et bien en Californie du Sud, on les accueille à bras ouverts, on les embauche pour devenir sauveteurs sur les plages ou dans les piscines privées. Et puis, on va aussi aller jusqu'à récupérer le ukulélé, par exemple, dans les beach parties. Donc, on va aussi donner un air un peu exotique à ces plages de Californie par cette liaison un peu lointaine avec Hawaï. Oui, tout à fait. Los Angeles est vraiment la grande sœur d'Hawaï, ou Hawaï est la grande sœur de Los Angeles. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais il y a des rapports économiques très intenses hein, au 19e siècle entre Hawaï et Los Angeles. Et donc, ces jeunes hommes, ils apportent avec eux leur pratique du surf, mais aussi un mode de vie qui va effectivement du ukulélé à le bronzage, par exemple, le fait que ce sont des hommes qui s'exposent au soleil et qui ont un mode de vie à la nature très différent. Hein. Le surf, c'est pas seulement le fait d'être sur une planche, mais c'est aussi le fait de prendre son temps, de regarder les vagues, d'avoir une approche presque très moderne en fait à la plage et à ses plaisirs. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, on va non pas tenter d'embrigader ces corps de surfeurs ou de ceux qui fréquentent la plage à Los Angeles, mais néanmoins, on va réfléchir à cette idée qu'on est sur le front, puisque les Japonais sont de l'autre côté, et pas très éloignés d'ailleurs de Los Angeles. On va réfléchir à cette question de ce que c'est que le temps de loisir par rapport au temps de l'économie de guerre. Vous expliquez bien, Elsa Devienne, dans votre travail de thèse, combien ce moment est important aussi pour justifier le besoin de loisir, le besoin de se rendre à la plage, parce que par ailleurs, eh bien, on travaille dans les usines pour fabriquer les armements qui permettront à l'Amérique de se sauver. Oui, tout à fait. Le lobby des plages va vraiment utiliser cet argumentaire pour essayer de capter les financements de l'après-guerre mondiale, puisque à ce même moment, la Californie est vraiment bénéficie d'investissements fédéraux massifs dans les usines d'armement, d'aviation, etc. Notamment Los Angeles, c'est un lieu où il y a énormément de production d'avions. Et donc, le budget californien commence à être très très important. important. Et donc, le lobby des plages y voit une opportunité. Et donc, ils vont développer cette argumentation de la plage, c'est le lieu où non seulement vont se reposer les ouvriers qui travaillent dans ces usines d'armement, qui sont des usines qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, fonctionnent 24 heures sur 24. On sort de l'usine à 5 heures du matin pour certains et ils vont se reposer où? Sur la plage. Mais c'est aussi le lieu où vont se reposer les guerriers, les soldats victorieux qui ont conquis les plages européennes pour revenir se reposer sur les plages californiennes. C'est vraiment le butin du soldat américain. C'est la consommation américaine, la promesse d'une voiture, mais aussi la promesse de pouvoir se rendre avec cette voiture sur une plage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce moment de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale est crucial pour ce dont nous parlions, c'est-à-dire par exemple la question écologique ou la question environnementale, la question de l'érosion de ces plages, parce que dans les années 30, il y a eu un rapport qui a été remis à la Chambre de commerce de Los Angeles, qui était un rapport commandé à deux sociétés d'urbanisme, qui disait bien qu'il fallait faire attention au grand nombre de plages privées, à la saturation des plages publiques, qu'il fallait peut-être que l'État, disait ce rapport, c'était en 1930, puisse acheter près de 50 km de côte. Ça ne se fera pas avant la Seconde Guerre mondiale, mais ça va commencer à se faire justement après la Seconde Guerre mondiale, Elsa de Vienne. Oui, tout à fait. Donc sur les 120 km de littoral sur le comté de Los Angeles, en effet, très peu étaient publics à l'époque. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le lobby des plages va donc réussir, hein, avec cet argumentaire dont je parlais, à convaincre l'État d'investir dans les loisirs au moment où justement la Californie est en train de recevoir des arrivées de l'ensemble du pays. Hein. La Californie, c'est vraiment l'État de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'État qui fait rêver tous les Américains. Et ils vont donc faire du lobbying auprès de Sacramento, qui va s'engager à ce moment-là à acheter toutes les plages de Californie pour le public. C'est une politique publique de réinvestissement d'argent public pour récupérer ces espaces publics qui étaient dévolus jusqu'à maintenant au privé. Voilà, donc c'est l'objectif fixé qui, à l'époque, est vraiment le plus progressiste qui soit à l'échelle des États-Unis. Au même moment, pour vous donner une sorte de point de comparaison, sur la côte Est, on a peut-être 5% des plages qui sont publiques dans certains États, comme le Rhode Island ou le Connecticut. Donc on est très très loin. Alors en Californie, on commence à investir et on investit très très fort, notamment dans le comté de Los Angeles. Alors c'est amusant parce que Los Angeles a cette réputation à la fois dans la littérature académique, mais aussi dans le parler de tous les jours, d'être cet espace, si vous voulez, où il n'y a pas d'espace public, c'est vraiment l'autoroute et chacun pour soi dans sa banlieue. Mais en fait, les plages, on arrive à près de 60% de plages publiques à Los Angeles. Au début des années 60. Et c'est à l'échelle de la nation, c'est vraiment énorme. C'est un espace public formidable pour cette population urbaine. Parce que le slogan dès 1946, c'est « les plages doivent appartenir au public », c'est cela ? Voilà, c'est ça. Et c'est un slogan qui se met en place à ce moment-là, et progressivement, donc on rachète les plages. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ces plages ? Parce qu'elles sont donc abîmées par cette érosion dont on parlait tout à l'heure, qui date des années 20 et des années 30, avec la construction de ces grandes jetées qui retiennent, pour certaines d'entre elles, le sable. Et donc on va inventer une nouvelle plage qui se veut plus naturelle, mais qui est totalement artificielle en l'occurrence. Tout à fait. Donc dans l'après-guerre, après un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites dans les années 20, 30 et 40, de rechargement artificiel, hein, d'approvisionnement artificiel en sable, soit par voie hydraulique, donc par pompage de sable, soit en amenant littéralement du sable dans des camions et en les déversant sur la plage. Donc après cette série d'expérimentations dans les années 50, les ingénieurs se sentent beaucoup plus à même, connaissent beaucoup mieux le fonctionnement des plages, et vont commencer à prendre à mettre en place des opérations de rechargement tout à fait immenses. Il a fallu une ingénierie qui se mette en place auparavant, donc pour pouvoir ensuite imaginer comment on allait faire pour pouvoir recharger ces plages et donc les rendre plus larges qu'elles ne l'étaient auparavant. Tout à fait. Par exemple, ça commence sur la côte Est. Par exemple, Jones Beach à Long Island, qui à la base est un c'est quasiment pas une plage, hein, c'est une sorte de marais salon. Elle est rechargée artificiellement par Robert Moses, qui est ce grand homme de New York, l'homme derrière Central Park, les autoroutes, etc. Et ensuite, en Californie, on va reprendre cette idée. Elle est rechargée à Jones Beach pour y faire un immense parc de stationnement pour les voitures. En plus, oui. Donc on recharge, mais on est écologique, mais enfin ou environnementaux, mais voilà. C'est tout de même pour que chacun puisse y venir en voiture. Ah oui, ça c'est la plage de la Frégare, effectivement, on tire en voiture. Mais donc sur les plages de Santa Monica, ce qui est intéressant, si vous y rendez aujourd'hui, vous allez trouver magnifique. Eh bien, en fait, tout ce sable, il vient des dunes qui sont légèrement plus au sud de la côte, qui appartenaient au comté, et donc ça ne coûtait à rien finalement au comté de les pomper. Ces dunes ont littéralement disparu aujourd'hui, et elles ont servi à recharger, comme on dit, les plages érodées de Venise et de Santa Monica. Et à la place de ces dunes, qu'est-ce qu'on y a fait? On avait besoin de les excaver de toute manière, donc on a fait quelque part, on a une pierre de deux oiseaux, comme on dit en anglais, et on y a construit une usine de retraitement des eaux usées. Donc ce qui peut nous sembler assez étrange aujourd'hui, de mettre une usine de retraitement des eaux usées sur la plage, mais c'est ce qu'on y a fait. Et donc, non seulement on va élargir ces plages, les rendre supposément plus naturelles alors qu'elles sont très artificielles, mais on va aussi en faire un espace de loisirs qui va être, disons, encore plus restreint dans les années 40-50 que ce qu'on imaginait auparavant. On veut éliminer ce qui fait mauvais genre dans cet espace de loisirs qu'est la plage. Tout à fait. On réinvente la plage, si vous voulez, sur le modèle des malls suburbains, des centres commerciaux, et sur le modèle de Disneyland. Disneyland, c'est une révolution culturelle dans l'histoire du loisir de masse. Il ouvre donc le premier parc à thème qui est inventé par Walt Disney et ouvre en 1955 dans la grande banlieue de Los Angeles. Et Walt Disney ne voulait surtout pas que ce soit près de la plage, parce que la plage, justement, c'était les gens en maillot de bain, l'immoralité, etc. Et donc, cette transformation dans l'après-guerre, ces classes moyennes qui se réfugient dans leur banlieue, devant leur télévision, il va falloir les attirer en proposant des plages modernes. Et donc des plages modernes, ça veut dire des plages propres, dénuées de ces piers où il y a des montagnes russes et des femmes en turban en train de lire les mains des gens. Donc on veut avoir quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus simple. Donc on va détruire tout ce qui rappelle ces formes de parcs d'attractions sur la plage qui sont associées à un loisir ouvrier et non respectable. Et donc, c'est une véritable transformation que cette urbanisation de la plage. Mais on imagine effectivement qu'il va falloir déterminer ce qui est de l'espace du loisir et de l'espace de la ville. On se promène comment? En maillot de bain? Jusqu'où va-t-on en maillot de bain dans cet espace urbain? C'est une des questions que vous posez, Elsa Delienne, oui. Puisque à partir de ce moment-là, on a un vêtement pour la plage particulier, le maillot de bain, et puis on a un vêtement pour la ville. Mais est-ce qu'on a le droit de passer de l'un à l'autre? On sait encore aujourd'hui que les villes balnéaires du sud de la France mettent des réglementations pour ne pas venir dans les magasins du centre-ville, par exemple, en short ou en maillot de bain. Eh bien, à partir des années 40, en fait, à Los Angeles, on est assez flexible sur la question. Par exemple, dans un guide de Los Angeles de 1941, on raconte qu'on peut trouver des gens en maillot de bain à 6-7 kilomètres de la plage. Et personne ne s'en préoccupe, ne s'en offusque. Exactement. À Los Angeles, aujourd'hui encore, c'est quand même le lieu de la décontraction, hein, d'un point de vue de vestimentaire. Mais ce n'était pas le cas au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, effectivement, j'ai notamment trouvé dans les journaux, dans les années 1910, des dizaines, des centaines d'arrestations de baigneurs dans les tramways, dans les magasins, dans les rues de la ville. Et on les arrête, pourquoi? Parce qu'ils portent effectivement un maillot de bain qui normalement devrait être restreint à l'espace de la plage. Ils devraient porter un petit peignoir, figurez-vous, pour être respectable. Et cela, donc, ça change après la Seconde Guerre mondiale et ça donne ce corps californien qu'on voit dans les séries télévisées, qu'on voit un peu partout. Et là, il faut quand même rappeler la puissance, effectivement, de ces images qui sont produites par le cinéma hollywoodien ou par la télévision américaine et qui se répandent partout, qui donnent aussi cette culture du soleil que l'on imagine du côté de la Californie, Elsa Delienne. Oui, il y a vraiment une culture de plage sud-californienne qui émerge à ce moment-là, qui est différente de celle qu'on a en Europe, de la côte Est, etc., et qui est influencée à la fois par Hollywood, donc par cette fixation de la caméra, si vous voulez, sur le corps très tôt et sur un corps libéré, un corps mince, musclé, qui obéit aux normes corporelles des stars d'Hollywood, des normes corporelles modernes. Influencé aussi par Hawaï, par ce rapport très hédoniste des surfeurs au plaisir balnéaire. Et influencé aussi par la culture du sport, qui est tout à fait spécifique à Los Angeles. On a une grande culture du sport, du culte du corps. Cette idée que, à Los Angeles, en Californie de manière générale, les hommes, les femmes ont un rapport plus direct à la nature, et à la nature en extérieur en particulier. Et donc, dans les années 50-60, ça va être le grand boom de ce point de vue-là, puisque c'est sur Los Angeles que ces normes corporelles modernes que sont la minceur, la musculature, le bronzage, vont être exposées, mises en spectacle. Alors, ce ne sont pas les Beach Boys qui a choisi Anne Fleury, mais ce sont les Fleetwoods avec Surfer's Playmate. I'm up to give the surfers quite a rush. I'm through with theirs and all that innocent stuff. The dogger doesn't want a girlfriend anymore. He wants a surfer's bloody nothing at his door. Surfer's Playmate, that's what I'm gonna be. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm through with sitting by myself on the beach. I'm up to stir at my own kind of heat. The other girls can stop because I've changed my ways. I'm a surfer's play, it's starting right today. Surfer's Playmate, that's what I'm gonna be. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now I can put them on with my new style. I can tell the wife out maybe once in a while. Playing with the surfers like I should have done. Instead of waiting all along for the fun to be done. Waited all you would have done. Don't drive your woody, get yourself a full horse. And other girls will follow me in my way. So good luck to any girls, not a surfer's playmate. Surfer's Playmate, that's what I'm gonna be. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Surfer's Playmate, un titre de 1963 des Fleetwoods, dans notre émission d'aujourd'hui consacrée aux plages de Los Angeles avec Elsa Devienne. Alors, on a dit l'invention du surf, son développement, la question des beach parties qui naissent dans les années 20, mais aussi j'ai découvert en vous lisant que les spring break sont nés aussi dans la Californie, donc d'avant la Seconde Guerre mondiale ou Oui, dès les années 20-30, on a la frange aisée des college students, des étudiants qui, à chaque donc le Spring Break, c'est la semaine de Pâques, qui viennent célébrer la semaine de Pâques, donc de manière pas très catholique, on va dire, hein, puisqu'ils sont protestantes d'ailleurs. Oui, pas très chrétiennes, on va dire, qui vont se rendre sur la plage pour célébrer, qui sont des sortes de libations, les estudiantines, où ils vont faire la fête, se rencontrer, surtout entre filles et garçons, louer des maisons à la plage, et puis créer dans certaines communes, comme par exemple Newport Beach, vraiment une sorte de désordre exceptionnel pendant une semaine où la ville est une sorte de... Oui, c'est la bacchanale généralisée. Quoi. Alors ça s'invente en Californie, mais ça va s'exporter dans tous les États-Unis et maintenant aussi parfois en Europe et en Asie. C'est Spring Break, mais on peut se dire tout de même, qu'est-ce qui se passe dans les années 1970, les années de la libération sexuelle et les années de du développement de la Californie, comme là encore un modèle, pourrait-on dire, pour tous ceux qui regardaient les États-Unis comme le lieu de l'émancipation. Est-ce que ça va être le cas aussi sur les plages de Californie, Elsa Devienne? Oui, en partie. Enfin, je ne peux pas complètement répondre à cette question. Ce sera un prochain projet, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les années 60-70, surtout les Américains commencent à traverser la frontière et vont au Mexique, puisqu'en fait ces lieux comme Newport Beach, qui est aujourd'hui une banlieue très aisée, très huppée de Los Angeles, ne volent plus des étudiants. Et donc le gros avantage, donc les policiers vont être très très durs avec les étudiants, ils vont finalement se dire ça vaut pas la peine de venir, et ils vont commencer à aller dans des endroits comme la péninsule du Yucatan, Acapulco ou ailleurs, voilà, exactement, où par ailleurs l'âge légal pour boire de l'alcool est plus bas qu'en Californie, qu'aux États-Unis où c'est 21 ans. Et donc, ces plages de Los Angeles sur lesquelles vous avez travaillé sont encore un modèle, puisqu'on a montré comment elles avaient été un modèle soit d'émancipation, soit de répression à certains moments, dans les États-Unis du XXe siècle, sont encore un modèle aujourd'hui, ou est-ce qu'au bout du compte, ce qui s'y est inventé est devenu tellement universel qu'au bout du compte, il n'y a plus véritablement d'invention à y trouver en termes social, culturel, etc. etc. Ah, je crois qu'elles restent quand même un modèle. Par exemple, le fait même que Alerte à Malibu, la série télévisée, est devenue maintenant un film qui connaît une franchise. Une franchise, un deuxième volet bientôt. Je crois que ça reste quand même un modèle, même si finalement aujourd'hui, je dirais que les grandes stars hollywoodiennes, elles se prennent plutôt en photo sur Instagram dans leur piscine privée. Donc la plage peut-être elle est peut-être un petit peu moins, peut-être un peu moins un lieu d'inspiration et de où on se projette, mais bon, à voir. Hein, oui, et puis il y a les yachts qui voilà, vous permettent d'aller à l'autre bout du monde et de façon beaucoup plus privée que sur une plage. Je crois que Los Angeles est peut-être un peu trop urbaine et un peu trop évidente, on va dire, trop touristique peut-être aussi pour qu'on puisse vraiment la voir comme un modèle d'un point de vue international. Mais bon, incontestablement, les hommes et femmes en maillot rouge restent une référence pour nous tous. Merci beaucoup, Elsa de Vienne. Votre travail est tout à fait remarquable et nous permet de plonger dans une histoire qui utilise tous les paramètres pour comprendre une situation donnée dans un endroit donné, à savoir Los Angeles et ses plages, puisque vous y traitez à la fois d'histoire environnementale, c'est le sous-titre de votre travail, mais également d'histoire culturelle, d'histoire sociale, d'histoire économique, puisque l'économie a beaucoup à voir avec ces questions-là. Et vous allez publier ce travail de thèse dans un peu plus de six mois maintenant. C'est ça, en février 2020. Voilà. Et d'ici là, eh bien, bon vent à vous. On peut vous lire sur les bonnes plateformes d'articles, en particulier sur Cairn ou encore sur Open Edition, où vous avez certains de vos articles qui sont disponibles et on pourra ainsi prolonger l'émission de ce jour. Merci encore. Merci pour votre invitation. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Louis Bartinet était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres de la Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, demain, eh bien, nous continuerons à parler de sable, mais du sable du désert et du peut-être le plus emblématique de ceci, à savoir le Sahara.